T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff, Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as monsters. Yeah, let's see. Une heure au sud, est en ouest, ouais. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, comment maintenant? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver en ce samedi saint, samedi veille de Pâques. Nous sommes le 4 avril, nous sommes le premier samedi du mois et comme vous en avez pris l'habitude, le premier samedi du mois à 17h, c'est votre rendez-vous avec la musique indépendante et la musique alternative. C'est Planète Indie et nous sommes ensemble jusqu'à 18h30. Et puis comme chaque mois, eh bien, on a sélectionné pour vous le meilleur de la musique que vous entendez nulle part ailleurs. On voyagera pas mal aujourd'hui, on ira en Amérique du Sud, on ira évidemment aux États-Unis, on ira en France, on ira un peu partout. Et là je vous propose de commencer l'émission tout de suite avec un groupe qu'on avait découvert le mois dernier. Et comme ils sont bons, eh bien, ils reviennent. Il s'appelle le Porter Draw, avec la plage d'ouverture de leur album. C'est presque une chanson de circonstance. Bon, le morceau s'appelle Judgment Day. Bon, aujourd'hui, c'est pas vraiment le Judgment Day, ce sera plutôt demain le Resurrection Day, mais bon, pourquoi pas. Donc, on va commencer l'émission avec le Porter Draw et Judgment Day, et puis après, on écoutera Steve Hill, Love Got Us Blind. L'amour, eh bien, nous rend aveugles. Oui, il n'y a rien de plus vrai. Bienvenue dans Planète Indie, nous sommes ensemble, je vous rappelle, jusqu'à 18h30. In the news, don't should pray. Prepare my soul for judgment. Spécimen de voix rocailleuse qui n'a rien à envier aux Joe Cocker et autres crooners. À l'instant, c'était Steve Hill, Love Got Us Blind, L'amour nous rend aveugle, un morceau extrait du volume 1 de ses solo recordings, ce double CD qui est sorti très récemment et dont on va encore entendre parler dans cette émission, à n'en pas douter. On poursuit en musique toujours avec des guitares et toujours avec des voix qui, on va pas faire dire qu'ils font réveiller les morts, quoi que ce soit de circonstance, mais bon. Les Pink Dust, Forget Me Not, on les a déjà entendus dans cette émission le mois dernier, mais bon, ils reviennent aussi. Et puis après cela, une autre nouveauté avec les Granaways, de groupe de Laura, avec le morceau Misunderstood Enigma. Mais tout de suite donc, les Pink Dust, Forget Me Not. So-called wheeze, I can hardly breathe. Please help me, please. said, but it got caught, hard to speak. When you can't talk, try to find the words again. In my throat, a clever hymn, but simple truth is where you'll find it. Kiss me, forget me not. Skies called on Cheap Trick to find the words for a quick fix. And if you want my love, you got it. Kiss me, forget me not. Love me, don't even knock. Chasing you around the town, up and down my block. Forget me not, forget me not. Forget me not. Voilà, d'ici quelques minutes, 2 minutes 30 exactement, nous partirons à la découverte de notre album Powerplay. Avant cela, je vous propose d'écouter une autre nouveauté, il s'appelle Craig Kassler. Il va nous interpréter le morceau Cell Block Blues. Et puis je vous rappelle, à l'instant, on écoutait les Granaways et Misunderstood Enigma. Call him AK, he was on the run. He got killer beats, get the music, is his gun. Rhymes all funky, less with LSD. Got you grabbing at the notes no one else can see. Your lips tongue-tied, you make a scream and shout. Reminisce about the youth party when you're out. Make the words flow you never thought would rhyme. And now he's just an image number 209. But he's got them blues. They've said, they'll block blues. Rock on, be rock and roll. Hip hop, reggae, he's a simple soul. Unassuming man, standing 5'3". Now locked down, big penitentiary. And he's got them blues. Them cell block blues. Caught him up the day at the old motel. He was tired, all strung out in a living hell. Always trying to find that perfect fix. Now waking up the line of corner trick. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, now living life, murder for a felony. Shot the man cold in front of the 5 and dime. And now he's just an image number 209. And he's got them blues. Them cell block blues. He's got them blues. Them cell block blues. Voilà, donc à l'instant, Craig Kassler, Cell Block Blues, 17h21. Je vous rappelle, vous écoutez Planète Indie, nous sommes ensemble chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30, et puis nous serons aussi rediffusés demain aux mêmes heures, et sur la même fréquence et sur les mêmes canaux. Donc si vous ratez une partie de l'émission, ou même si vous l'avez entendue complètement et que vous voulez la réentendre, pourquoi pas, il peut y avoir des fans partout, n'hésitez pas. Alors, notre powerplay aujourd'hui nous emmène du côté des États-Unis, dans le sud-est des États-Unis, en Géorgie, du côté d'Atlanta. C'est un groupe qu'on a déjà entendu dans cette émission, mais aujourd'hui, eh bien, on va aller un peu plus en profondeur à la découverte de leur musique. Je veux parler du groupe The Armory. Donc, c'est un groupe de rock qui existe depuis 2009. Donc, au niveau de la bio, ça va être assez court, puisque 2009-2015, ça fait pas grand-chose. Mais bon, ils ont quand même fait quelques petites choses, et essentiellement beaucoup des concerts dans le sud-ouest des États-Unis, la côte est, et puis aussi dans le Midwest. Ce que je vous propose, c'est d'en écouter un premier extrait pour commencer ce soir. Le premier extrait s'appelle Control, je vous rappelle leur nom, The Armory, et puis on essaiera aussi de vous mettre une vidéo sur la page Facebook de Planète Indie. Ça, c'est pour tout à l'heure, on va essayer de vous trouver ça. Allez, on les écoute tout de suite avec le morceau Control, c'est notre powerplay ce soir dans Planète Indie. Powerplay. Powerplay. You play the opera, and the lies you Voilà, donc à l'instant, c'était le groupe The Armory. C'est notre powerplay ce soir dans Planet Indie. On les écoutera encore deux fois d'ici 18h30. Et puis, on va saluer aussi, je vois qu'on nous écoute du côté de Tarbes, du côté de Nantes et du côté de Luxembourgville. Donc, bonjour à tout le monde. On est très heureux de vous retrouver. Voilà, changement de style musical. On va aller un peu plus dans l'électro avec les French Insiders. Ça, c'est si vous sortez ce soir, vous risquez d'entendre ce genre de musique. Et avant cela, une autre nouveauté, Grand Petit Plus. Bah oui, c'est un nom assez original, Grand Petit Plus. On va l'écouter avec son Mineral Melody numéro 23. just for the night, could you be mine? I really want you to come with me and bring you to your ecstasy. Girl, I know. Girl, I know, no, no. Girl, I know. Voilà, ça c'est de la musique si vous sortez ce soir. Hein, c'était les French Insiders, le morceau intitulé « Take My Hand ». Avant de poursuivre en musique, une petite annonce. Bah oui, pourquoi pas, le festival Zikames, eh bien, fait un appel à candidature à tous les groupes qui sont domiciliés en Lorraine ou au Grand-Duché de Luxembourg. Et si le style musical eh bien, est soit de la pop, de l'électro, du rock, du reggae ou de la chanson, j'imagine, de la variété francophone. Si cela vous intéresse, vous pouvez vous inscrire au tremplin Zikames qui se passe jusqu'au 15 avril. Et ce qui a gagné, eh bien, c'est une programmation pour le festival Zikames numéro 12 qui se déroulera en automne 2015, ainsi que des sessions d'accompagnement et de formation, et notamment dans le cadre du festival Sonic Visions Music Festival. Voilà. La sélection se fera le 30 mai 2015 à la chapelle des Trinitaires à Metz. Et bien, pour plus de renseignements, vous n'hésitez pas, www.zikamine.com. Nous, on poursuit en musique avec un groupe qui ressemble un petit peu aux Foreigners des années 80, pour ceux qui s'en souviennent. Le groupe s'appelle Dream Alive et nous interprète Away from You. Oui, je suis loin de toi. On this lonely road we're on, a million miles, and yet you're still here. Voilà, une petite pause musicale un peu planante, un peu différente de ce qu'on a écouté jusqu'à présent. Cette pause, on l'a faite avec le groupe Burned Out, Still Glowing, un morceau intitulé Opportunity. Et je vous rappelle, avant, c'était les Dream Alive et Away From You. J'espère en tout cas que vous appréciez la programmation musicale de cette émission. On essaye de la faire relativement éclectique. C'est un peu le principe de cette émission, hein. On vous fait découvrir des choses que vous n'entendez nulle part ailleurs. Voilà. Retour sur notre album Powerplay, si vous le voulez bien. Je vous dis donc que c'était le groupe The Armory qui était originaire d'Atlanta. Et avant que je n'oublie, je vous donne aussi l'adresse de leur site internet. www.thearmorymusic.com www.thearmorymusic.com. Voilà, c'est pas évident. C'est un quatuor, donc il y a deux frères là-dedans. Il y a Mark Harris qui joue de la basse et qui chante, et son frère Ben Harris qui est le batteur. Ils sont accompagnés de John Patton à la guitare et de Ricky Free à la guitare aussi. Voilà, ils ont des influences assez différentes. John, par exemple, écoutait du Bruce Springsteen ou du Bon Jovi, ou voire encore du Metallica. Ricky, lui, eh bien, il a commencé à jouer à la guitare quand il avait 4 ans. Il jouait du bluegrass avec son père et il était plutôt influencé par la musique blues. C'est un groupe qui a fait beaucoup de concerts jusqu'à présent, beaucoup plus de concerts que de disques. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils avaient tourné assez frénétiquement dans le sud-est des États-Unis, sur la côte est aussi et dans le Midwest. C'est une musique indie rock et c'est de la musique assez énergique qui, comme ils disent sur leur bio, qui vous fera sauter, qui vous fera balancer la tête et même danser. Oui, danser, ils insistent là-dessus. C'est assez amusant. Voilà, je vous propose d'en écouter un second extrait. J'ai choisi d'écouter le morceau Memory. Je pense que c'est celui qu'on avait déjà écouté le mois dernier. Je suis plus sûr, mais je crois que c'était celui-là. Il vous rappellera peut-être des souvenirs. C'est notre powerplay, c'est The Armory, ce soir dans Planète Indie. Power play. Power play. Every stone unturned, I feel Voilà, c'est le quatuor The Armory, c'est notre power play. Ils sont mis à l'honneur ce soir dans Planet Indie. On va changer un peu de style musical, on va changer un peu de zone géographique aussi. Je vous emmène cette fois en Amérique du Sud, du côté de la Colombie, avec le groupe Falo e Favor, ce qui devrait vouloir dire demander une faveur si je ne m'abuse, et le morceau intitulé La Casa. Thank you. Morceau difficilement classable et qu'on ne peut pas écouter malheureusement dans son entièreté parce qu'il fait 11 minutes 30, donc radiophoniquement parlant, c'est pas évident. C'était le groupe Ozman Propaganda Man avec le Comatose, et puis avant cela, je vous rappelle, nous étions du côté de l'Amérique du Sud et plus précisément en Colombie avec le groupe Follow a Favor. Et le morceau La Casa, il est presque 18h. Je vous rappelle, nous sommes ensemble chaque premier samedi du mois entre 17h, de 17h à 18h30. C'est Planète Indie, c'est votre émission de découverte musicale. On vous propose le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative et en tout cas le meilleur de la musique que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Ça, c'est pratiquement garanti. On va se calmer un tout petit peu avec une voix féminine très agréable, celle de Miriam Jones, Don't Be Hard On Me, ne sois pas trop dur avec moi. Et puis après cela, on écoutera, toujours dans la douceur, le nouveau single de la Canadienne Ashley Robertson, How Are You, My Love. Hey, this is Sheila from Dala, and you're listening to Planet Indie. Is laying heavy on me. It won't let me from my bed. You seize your reasons and go strongly. That will last still a while yet. Faithful and fierce, but I don't move. Powerful the hours that I am gifted. I won't be giving much to you. Proud of me, I know. since the day that you left. Oh, I wanted to forget all the pain of the past, but I'm not ready to let go yet. So have you, my love? Have you, my love? Have you, my love? Have you, my love? Every time I remember, I wonder where you might be. The only question I keep asking, do you ever think about me? So have you, things we can't admit. J'avais dit hein, qu'on était éclectique dans la programmation. Là, c'est beaucoup plus calme. Elle s'appelle Ashley Robertson. Elle est canadienne. Elle est originaire de Winnipeg. Et c'est donc son nouveau single, How Are You My Love. Avant cela, c'était Miriam Jones, Don't Be Hard on Me. 18h05, il est temps de retourner sur la programmation de notre Power Play aujourd'hui. Et donc, c'est le groupe The Armory, un groupe originaire d'Atlanta en Géorgie. Je vous ai mis sur la page Facebook la vidéo officielle d'un de leurs morceaux, à savoir le morceau If I Ever. C'est la plage 2 de leur album. On ne va pas l'écouter aujourd'hui, mais si vous voulez l'entendre, eh bien, allez voir sur notre groupe Facebook. Je vous ai dit qu'ils avaient beaucoup tourné. Ils ont partagé la scène avec des artistes tels que The Almost, Hawthorne Heights, Mayday Parade, Emma Rosa, ou encore la légende hip-hop Kilo Ali. Et puis ils ont fait partie aussi du Vans Warped Tour en 2010 et du festival Ictus and Cornerstones en 2011. Ils ont sorti avant cet album-ci deux hippies, un premier en 2009 qui s'intitulait Sleepwalking to the Ends of the Earth, et en 2011 le hippie Dynasty. Encore une petite anecdote, eh bien, c'est que leur vidéo pour le morceau Burn the City Down a été nominée comme meilleure vidéo musicale en 2012 au Atlanta Film Festival. Voilà pour les informations que j'ai pu vous dégoter au niveau de The Armory. On les écoute donc, une troisième et dernière fois, en tout cas pour aujourd'hui. Fortune and Pride, c'est le morceau que j'ai sélectionné. Je vous rappelle que c'est notre powerplay aujourd'hui dans Planète Indie et leur album s'intitule Rediscover, avec une pochette, ma foi, assez intéressante. Voilà, j'en dirai pas plus, allez voir et puis vous comprendrez. The Armory, Fortune and Pride. Power play. Power play. Oceanic, and you're listening to Planet Indie. Nouveauté, ceci est aussi une nouveauté un peu électronique, un peu expérimentale. C'est le groupe Geister, cet extrait d'un album qui s'intitule Nine Games Volume 1, parce qu'il y a le volume 2 et le volume 3 à côté de ça. Ça s'appelait Outstanding Misunderstanding, l'exercice numéro 1, on va dire. Vous pouvez les retrouver sur www.geister.com. Partons, si vous le voulez bien, voir ce qui va se passer au niveau de la programmation de la Rocale, nos voisins ici. On va le faire en deux fois parce qu'il y a pas mal de choses. Alors, le 4 avril, bah, c'est aujourd'hui. Après l'émission, vous vous ruez là-bas si vous voulez assister au EP release du groupe Twiz. Leur EP s'appelle Carousel. Demain, David Carrera. Le 10 avril, ce sera les Barcodes avec aussi un album release. Leur album s'intitule simplement 3. Le 11 avril, les jumelles de Ibeyi. Ça a l'air d'être assez original et assez différent. Moi, je vous conseille d'y aller. Le 15 avril, Nash. Le 16 avril, Ray Morris. Le 17, ce sera The Power of Stellar Band. Le 18, Sharon Van Etten. Et puis le 19, si ça vous tente, il y aura une basse clinique qui sera organisée et animée par Marcus Miller. On en reparlera un peu plus tard, d'ailleurs assez rapidement, puisque Marcus Miller sera lui en concert non le lendemain, le 20 avril, pour son Aphrodisia Tour. Et le même jour que le basse clinique, donc la veille, le 19 avril, il y a le concert de While She Sleeps, Cancer Bats et puis d'autres guests. J'ai oublié de vous signaler, non, je pensais que c'était un concert gratuit, mais non, il est quand même payant, le EP release, voilà. Et puis le 21 avril, Moriarty au club de la Rocale. Voilà, ça c'est la première partie des concerts. Je vous propose de faire la deuxième partie après le morceau suivant, qui nous emmène de nouveau dans le monde latino. Elle s'appelle Amarili et elle ne peut pas. No puedo, Amarili, dans Planet Indie. Detenerme a pensar en ti. Nunca encontraría Marily avec son morceau No Puedo. Retour sur la programmation de la Rocale. On s'était arrêté au 21, donc on poursuit avec le 22. Ça, c'est un peu original. C'est le International Ocean Film Tour. Donc, c'est un festival de films dédiés à la mer et au plaisir nautique. C'est assez surprenant de voir ça dans la programmation de la Rocale. Mais pourquoi pas? Le 23, Michael Mittermeier. Le 26, la fameuse foire internationale au disque, CD, DVD et vinyle. C'est déjà la 10e édition. Le 26 avril, Kings of Convenience. Le 28 avril, Christine and the Queens. Notez bien que c'est le concert qui était prévu au départ le 11 mars et qui a été reporté suite à la demande du public. Le 2 mai, ce sera les 24 heures électro for kids. Et puis, notamment aussi des visites guidées de la Rocale avec accès à des endroits auxquels le public n'a généralement pas accès. Ce sera dans le cadre de la Nuit de la Culture et ce sera bien entendu gratuit. Ce sera le 2 mai. Et puis, tant que j'y suis, à propos du 2 mai, c'est aussi la date de notre prochaine édition. Donc, soyez bien au rendez-vous. Le 2 mai en soirée, il y aura de nouveau les 24 heures électroniques. C'est bien la nuit. Ce sera gratuit aussi. Le 6 mai, en hommage à la musique de Paul Lebrun. Le 7 mai, Jaco Gardner. Et puis notez aussi le 8 mai, le Rock Against Cancer. Voilà, on poursuit en musique puisqu'on arrive bientôt doucement au bout de la programmation de ce soir. May Klinger, I Don't Miss You At All. Il ne faut pas toujours croire ce qu'elle raconte. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. this mic, I'm falling. You're gonna lose your head. Leave me be, don't remind me what we had. Oh, I never loved you anyway. Lose my number, mistake me for another. I've gone and put you in your grave. Maybe my decision's wrong, dear. Maybe it's the best I've ever made. Here's where truth will make a mark. Don't miss you at all. Tu ne me manques pas du tout. Faut pas croire ce qu'elle dit. Moi, en tout cas, vous allez me manquer jusqu'à, eh bien, jusqu'à la prochaine émission. Ce sera le 2 mai. Je vous donne donc rendez-vous ce jour-là à 17h pour l'épisode numéro 360 de Planète Indie. Si vous avez raté l'émission de ce soir, eh bien, elle sera rediffusée demain à 17h à 18h30 sur cette même fréquence. Et puis, on vous mettra aussi le podcast de l'émission sur le site, sur notre site internet. Vous tapez Planète Indie dans Google et puis vous nous retrouverez sans problème et vous pourrez réécouter l'enregistrement de ce soir. Il sera disponible probablement dans le courant de la nuit. Voilà. D'ici là, eh bien, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée et puis certainement de bonnes fêtes de Pâques. On se quitte avec le groupe Fractal Control. C'est un peu de l'expérimental assez, assez violent, on va dire. Fractal Control, Awakened and Aware. J'étais très heureux de passer ce début de soirée en votre compagnie. J'espère que vous avez apprécié la programmation musicale. Et on se retrouve donc le 2 mai pour l'épisode numéro 360 de Planète Indie. Portez-vous bien, à bientôt.